Ouais, là, le problème, c'est qu'un mec bien sapé en costard avec une coiffure un peu clean, là-bas, ça marche pas, quoi. Il comprend pas, lui. Ça le choque. Bah, là-bas, chez nos amis provinciaux, à dehors du périph. Mais, il est pas bien, celui-là. Je plaisante. Ne quittez pas l'antenne! En fait, dans le fond, il plaisante pas du tout. Tu sais d'où je viens, moi? Je viens du sud, moi. C'est facile. Je viens du sud, je viens de Porte de Versailles. T'as oublié déjà. Bonsoir à tous. Je reviens sur ces phrases. À un moment donné, ça a été très philosophique. Ça m'a beaucoup plu, l'after. Quand c'est comme ça, j'ai envie de rester. Puis j'ai pas le choix. Donc, Daniel a placé cette phrase de Victor Hugo. Alors, c'était bizarre parce que t'as dit, dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu aimes. Ah non, parce que dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. C'est de Victor Hugo Montagnot. Ça, c'est, et il l'a dit, et je me rappelle. C'est en discussion avec Alain Traoré. Et, à ne pas confondre avec la phrase, dis-moi qui tu es et j'irai le tuer sur le champ, qui est de Joey Barton. Donc, voilà, c'est pas du tout la même chose. Le PSG Marseille. Alors, vous avez dit qu'on peut pas voir leur niveau, puisqu'ils jouent contre des équipes de Ligue 1. Donc, effectivement, on peut pas savoir si c'est des bonnes équipes de Ligue 1, puisqu'ils jouent que contre des équipes de Ligue 1. Comme les Ligue 1, c'est pourri. Tu peux pas savoir en gagnant contre une équipe de Ligue 1 d'ailleurs. Ça se voit que le PSG Marseille sont des mauvaises équipes, puisqu'ils n'ont jamais gagné la Liga, ni le Calcio, ni la Première Ligue. En 70 ou 80 ans d'existence, même 113 ans pour l'OM, je crois, c'est que ça. Jamais ils ont gagné le Calcio. Même pas la Bundesliga. Donc, tu vois, ils ont gagné que la Ligue 1, ce qui te prouve que ce sont des équipes de merde. Donc voilà. Donc ça, merci Daniel. Christophe, l'auditeur qui dit que Paris est déjà champion, parce que c'est le foot business et que Marseille finira dernière. Et j'ai envie de lui dire, la bonne nouvelle pour toi, Christophe, que si t'as envie de voir les choses du bon côté, dis-toi que si jamais Marseille finit derrière le PSG, tu pourras toujours dire que l'OM est deuxième. Et que Paris est avant-dernier dans le match contre Marseille. Donc tu vois, c'est déjà pas mal. Donc tu te le mets dans la tête et puis tu essaies de je sais pas, ça peut te remonter le moral. Je voudrais dire aussi que d'après Daniel, t'es un enfoiré si t'as été nul l'année d'avant et que t'es bon cette année. Donc c'est après ce que j'ai compris, c'est que si jamais t'es mauvais, reste mauvais par respect des supporters, parce que si tu deviens bon, tu ne respectes pas tes supporters, tu les prends pour des cons. Alors que si t'es nul de manière constante, comme Sochaux par exemple, que t'es tout le temps mauvais, eh ben au moins t'as un respect, ça veut dire que t'as une cohérence, t'as une constance. Et puis l'OM, ce qui m'a fait plaisir, c'est que l'OM, tu vois, déjà qui peut les arrêter? C'est vrai, on dit toujours qui peut arrêter l'OM en ce moment. Ils sont bon, à part les douanes volantes et les polices d'autoroute avec Valbuena, Diawara et Jordan Ayew, mais ça n'a rien à voir. Mais 6 matchs, 6 victoires, on n'a jamais fait mieux. Tu vois, même, c'est vrai, en même temps, 6 matchs, 7 victoires, c'est hyper rare. Tu vois, c'est pas à part la Juve de Moji, personne l'a jamais fait. Tu vois, c'est un truc qui se fait pas. Mais bon, 6 matchs, 6 victoires, et c'est quand même très rare. Et surtout, j'ai envie de dire, surtout quand on voit d'où ça vient, ça veut dire que c'est pas le foot business qui décide. Ça veut dire que sans moyens, tu vois, avec rien du tout, sans argent, avec quelques jeunes du quartier du Panier, de Belzin, c'est une petite commerçante d'origine russe, veuve d'un ancien fabricant de sandales à tétine qui a monté une petite coopérative, une assoc de quartier pour faire tenir un club de la banlieue de Marignane, qui aujourd'hui avec 3 bouts de ficelle, un ballon tango, un terrain vague, 2 Algeco, on peut soulever des montagnes. Bravo l'OM, bravo. Ça fait du bien de faire la nique à tous ces milliardaires et à leurs stars planétaires, les chantômes Matuidi et autres Mamadou Sakho. Merci Marseille, voilà. À tout à l'heure. Merci Julien, on te retrouvera tout à l'heure au bout de la deuxième heure. Et puis faudra quand même que Julien nous raconte ses aventures à la télé, parce que il fait de la télé. Non, ouais. Ah, ça va de quand ça. Il paraît que t'as une nouvelle émission. On va dire que ça a été déjà. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Julien Cazard, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message. Tu laisses un quart d'heure avant de parler que je puisse rentrer à la maison vous écouter. Je vais avoir une carte de visite s'il vous plaît. Je vais écouter ça. Eric, merci. Bon, pour la faire courte, Julien Cazard a fait une émission, mais il n'y en aura qu'une. Et pour ça, on dit bravo. Julien, t'as encore été le meilleur. Non, je vais te dire un truc, Gilbert. Moi, je comprends ton sentiment. T'es frustré. T'es comme beaucoup de gens sur cette table, mais il faut comprendre que la radio c'est du talent, la télé c'est un physique. À un moment donné, il y a des barrières. Alors vous misez tout sur internet qu'il y a du bas débit, donc ça vous sauve, ça enlève les imperfections, les impuretés, les crevasses sur la peau. Mais à un moment donné, HD, ça ne mettrait pas en valeur. Bah, je ne crois pas. Malheureusement, je peux te dire que le dernier écran plat Samsung, il te ferait pas forcément du bien, Gilbert. Et c'est peut-être un service qu'ils te rendent tous ces gens quand ils t'empêchent de faire ce métier. Très bien, voilà. Très bien. Donc voilà, j'espère que tu as su rester à ta place. Et t'inquiète pas, on t'y remettra. Oh, je suis bien. Alors, voilà, ça, c'est fait. Et ma carrière ne fait que commencer. Je vais m'envoler. Comme Icar. Donc, tout à l'heure, Daniel, tu as été très mystérieux sur un mec de la station qui connaît un peu mieux les courses de chevaux, qui s'est risqué sur le foot, alors qu'il y connaît rien. Je pense que tu parlais de Luis Fernandez. Non, pardon, je ne sais pas, parce que tu n'as pas dit son nom. C'est visiblement quelqu'un qui écoute l'after, qui est plus branché chevaux que le football. Je ne sais pas, balancer de nom comme ça. Non, c'est pas Luis. D'accord. Il y a un Z dans ses initiales. Ah, d'accord. Bah, Luis Fernandez. Ah, non, c'est ses initiales, on a dit. Ses initiales. Ah, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Travailler à la télé, ça te fait pas du bien. Non. Mais, et la jalousie reprend le dessus, comme d'habitude. Tu sais, tu vas mal le vivre cette saison. Entre ça, le Qatar t'aime pas. Visiblement, tu n'aimes pas, Jean-François. Mais c'est pas grave, tu apprendras à l'aimer comme Eric. Regarde, il a changé. Quand vous vous réveillerez, il sera trop tard. Eric, il le dit pas, mais il a sa carte au parc. Mm-hmm. Il est abonné, il aime le club, il aime tout. Il a bientôt l'accent. Il a une petite maison dans le 20e. Vous avez parlé des pleureuses, et c'est vrai qu'il y en a marre des pleureuses, des chouineuses, des chialeuses. Et la Ligue 1, c'est pas assez beau. Et ça joue pas assez bien. Et ces victoires, ça veut rien dire. Et l'équipe de France, mais elle gagne, mais on s'ennuie. Et la finale, les quarts de finale de l'Euro, c'est naze. Et le stade, il est trop cimenteux. C'est vrai qu'il y en a marre des gens qui chialent. Non, mais le stade, c'est pourri. Enfin, bref, quoi. Donc, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Nous, on est là pour ça. Hein, voilà, c'est-à-dire que laisser les chialeuses à leur métier. Chialer, c'est un métier. Monsieur Girard. Nous, on est acteurs. Nous, on n'est pas acteurs, on est critiques. Monsieur Girard. C'est comme il disait dans... Excusez-moi, c'est ma séquence. Ne coupez pas les gens. Je ne suis pas du Vaucluse, moi, monsieur. Ne m'impressionnez pas. Monsieur Girard. Comme il disait, te rappelle dans la série de la V-Production. Monsieur Girard. Monsieur, c'est vrai. Monsieur Girard, premier baiser. C'était le père de Justine. Mais oui, bien sûr. Là. Et là, tous les mecs de moins de 25 ans nous ont quittés. Évidemment. C'est en rediff. C'est en rediff. Moi, j'ai un peu plus de 25 ans et je comprends pas. Ah ouais, ouais, tous les mecs de plus de 50 ans aussi, hein. C'est une fourchette. Tu étais déjà plus intelligent, Daniel, c'est pour ça. Il est né vieux, Daniel. Pas forcément il est plus intelligent pour pas regarder sur Justine. Les crétineries bravo, à la télé, mais vous m'avez bien mouché, monsieur. Moi, je fantasmais sur Justine. Ah, mais qui ne l'a pas fait? J'ai Daniel. Croisé au resto, il est beaucoup moins bien. Daniel, lui, c'était plutôt, Alice Aprich quand elle fait son striptease devant Yves Montand dans la... Dans la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. J'ai un ami qui fantasmait sur elle. Je peux pas dire son nom à l'antenne. Donc on parlait des équipes, ça va trop vite là, j'ai complètement grillé mon temps. Gilot qui a déclaré qu'on pouvait pas jouer le jeudi et le dimanche. Hein, je peux finir au moins sur Gilot, qui a dit qu'on pouvait pas jouer le jeudi et le dimanche. C'est vrai que déjà, c'est-à-dire obligé de jouer déjà. En Ligue 1, on n'a pas à obliger les équipes à jouer, que ce soit le jeudi ou le dimanche. On va pas obliger Gilot à jouer. Moi, je l'ai vu au parc, il a pas joué. Il a serré les fesses, il était 10 derrière, il a regardé sa montre, il a pas joué. Non, mais moi, je comprends pas. Et l'exception culturelle française, monsieur. Pourquoi on jouerait, nous? C'est la Ligue 1, merde! Et pourquoi vous ne nous enlevez pas le fromage et le bain du 14 juillet pendant que vous êtes? Allez, la France! Allez, Francis. Merci. Sicora. Voilà, ça m'est venu comme ça. C'était une belle transition. Jean-Louis Garcia, ça sent un peu le pâté pour lui depuis un moment. Hein. Voilà. Dis-moi, Philippe, tu me disais que Oscar, il fait un peu gamin de 11 ans. Absolument. On va quand même planquer ses miches contre Arsenal, hein, si Wenger, il est trop dans les couloirs. Hein. Non, je préfère le dire en avance quand même. Parce que... Non, pour le recruter! Oh mais vraiment, vous êtes vraiment affreux. Milan, alors je comprends pas pourquoi vous dites que Milan va pas très bien. Milan va très bien. J'ai vu Leonardo, Ancelotti, Motta, Thiago Silva et Ibra, ils vont très bien. Ils ont juste déménagé. Ils ont le droit, t'as le droit de déménager. Tu te sens plus à l'aise où t'es. Voilà, Milan est très bien à Paris. Voilà, c'est tout. Le Paris Saint-Germain qui est le nouveau Milan, quoi. Et le PSG d'ailleurs. Philippe, j'ai pensé à toi, oui. Hein, pas dans mon lit, hein, et dans Internet, non, avec le PSG. Parce que le PSG va prendre 100 millions par an, à peu près, pour son nouveau sponsor maillot, hein, qui, l'ancien faisait 3 millions et demi. C'est ce qui s'appelle faire un Doha au fair play financier. Tu vois, c'est comme bravo, ça qu'on dit. Un Doha d'honneur. C'est super. Un beau Doha, quoi. Il y a un gros Doha. Et c'est que le début, à mon avis. Mais je crois que c'est pas tout, parce que je crois que Montpellier. Tu es le Doha d'honneur et tu es le Libra d'honneur. Bah, non, c'est le bras. Le bras de Friedel, c'est pour Lloris, et le Doha d'honneur, c'est pour le fair play. Montpellier, qui grâce à René Girard, devrait récupérer un petit peu aussi d'argent, une grosse somme, son nouveau sponsor maillot, puisque Kleenex propose 20 millions d'euros pour sponsoriser Girard dans les confs de presse, et Lotus 40 millions d'euros pour le naming du stade, hein, parce que évidemment, ça va plutôt bien marcher. Ibra, souvent on dit que les footballeurs sont un peu des bourrins, et Ibra, lui, il s'intéresse à l'histoire de France, hein, il aime se cultiver, il est arrivé à Paris, il s'est dit, tiens, je vais faire connaissance, puisqu'il a passé une journée au musée de l'histoire médiévale. Il a été au parc Astérix, je veux dire. Il a été au parc Astérix avec sa famille, c'est quand même pas mal. Bon, il a fait ça? Oui, tu l'as pas vu, il y avait des photos et tout. Ouais. Bah, pour un footeux, c'est l'équivalent de. C'est comme pour Walibi Splash, pour eux, c'est le musée de la marine. Tu vois, c'est... Astérix et le Moyen-Âge, c'est moyen, mais continue. Non, c'est vrai, oui, t'as raison, putain, je suis à la ramasse. C'était l'équivalent, quoi. C'est... Bref, d'Astérix, c'est vrai que c'est pas le Moyen-Âge, je suis complètement fracassé. Cela dit, il a raison parce que le parc Astérix, c'est 1000 fois mieux qu'Euro Disney. Faut le savoir. Attends, mais c'est 1000 fois mieux. Mais bien sûr. Évidemment. Et puis c'est français, monsieur. Exactement, c'est français. C'est surtout pour ça que tu dis ça. Le le petit chauvinisme de bas étage. Ce qui était un peu sympa, c'est plus à Panoramix et Edifix. C'est un peu. Tu vois, Panoramix qui a niqué, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pourtant, tu ressembles ni à l'un ni à l'autre. Bah ouais. Tu ressembles à un Olmec dans les Cités d'Or, éventuellement. Mais. Et Ibrahimovic là-bas, c'est un peu le Viking chez Astérix. C'est vrai. Ibrahimovic. Hein, Ibrahimovic, non, lui c'est le Viking, lui. C'est Astérix chez le Viking, parce que lui il connaît pas la peur. C'est vrai, il connaît pas la peur. En même temps, avec les défenseurs de Ligue 1, tu vas pas, c'est pas là qu'il va l'apprendre la peur. Il la reconnaîtra pas, même s'il la croise. Hein. Donc tout ça après le parc Astérix, ben il est retourné s'entraîner. Au parc à Footix, hein, le parc des Princes. Non, c'est pas sympa, hein, surtout que c'est pas vrai. Hein, y a des vrais amateurs de foot. Alors tout le monde dit le parc est mort. Ils pourraient respecter les morts, les mecs. Ils arrêtent pas de chanter pendant le match. Hein, quand on dit le parc est mort, ils pourraient au moins la fermer, quoi. Et donc bref, le parc dont tu connais le chef, hein, le parc à Footix, dont le chef est peu importe le prix, qui est le nouveau patron, évidemment, et grâce à qui on a une belle équipe. Et personne n'a parlé, j'ai vu dans les journaux que Ibrahimovic était au parc Astérix, mais on n'a pas parlé de Rotten. Rotten qui est allé à Disneyland Paris, hein, il est allé voir le PSG, enfin il a joué contre le PSG, parce que lui qui joue c'est pareil, hein, il est face à Disneyland. Hein, alors c'était bizarre, Rotten il demandait des autographes pendant le match, c'est quand il y avait un coup franc pour Bastia, il se mettait dans le mur pour être pris en photo à côté de Zlatan, à côté de Thiago Silva. Bastia c'est quand même la seule équipe qui met un supporter de l'équipe d'en face pour essayer de les battre. Hein. Franchement c'est un concept de télé-réalité qu'il faut essayer. Hein. Frédéric Hans la prochaine fois contre l'OM il va peut-être mettre je sais pas Akhenaton de Hayam ou Danny Boone contre Lille, parce que franchement Jérôme Rotten je sais pas ce qu'il foutait là quoi. Enfin bref, bon c'est un concept. Hein. Et René Girard qui a dit qu'il avait joué contre les Pink Floyd. Ah oui. Ça c'est quand même un truc, on en a parlé tout à l'heure. Oh alors oui, il a dit que Paris avait joué contre les Pink Floyd de Kiev. Les Pink Floyd de Kiev. Alors à ce moment-là, t'as envie de dire voilà. Rassure-toi Philippe, en fait, il connaît pas les Pink Floyd, c'est une expression dans le sud-ouest. Hein, c'est parce que c'est les Pink Floyd. Ah non, je sais pas, dis-moi. Non, parce qu'à ce moment-là, Ajaccio c'est quoi comme groupe? C'est quoi? C'est Imouvrini? Evian Tonon c'est Wet Wet Wet. Le PSG c'est Gold. Rennes c'est quoi? Rennes c'est Queen. Rennes c'est Queen. L'OM c'est quoi? Dépend, c'est Nirvana pour Jeff Perez, mais sinon c'est avec Barton c'est quoi? C'est les garçons bouchés. Saint-Étienne c'est les négresses vertes. Le Milan AC c'est Niagara. Enfin Niagara possible parce que chanter AC pour le Milan. Bon, et Liverpool. Qui trouve Liverpool? Je sais pas. Simply Red. Putain, Simply Red les gars. J'ai pas osé le dire. Simply Red dont le nouveau slogan est You Never Walk Anymore, évidemment, puisque ça marchera plus jamais. Bah, et je voudrais finir sur l'un des plus grands copains d'Alex Ferguson. J'ai pas osé dire ça. Hein, oh, bah, si tu veux. Et Hazard, oui. Juste pour finir, pour Hazard. Non, Hazard, dont on a dit que c'était peut-être le joueur clé de Lille. Moi, franchement, j'ai vu les Lillois jouer sans Hazard. Je crois que Hazard, c'était la clé, c'était la porte, c'était le chambranle de la porte. La maison, le jardin, la piscine, le panneau de basket, le portail de la mort du risque et le chemin de gravier jusqu'à la Jaguar. Et Ryan Mendes, c'est quoi? Mais c'est à peine le porte-clé. On est dans la merde. Merci Julien! À la semaine prochaine!